Comme patriote. Je veux d'abord remercier de tout cœur M. Lionel Lavigne pour les bonnes paroles qu'il a eues à mon endroit. J'espère que cet après-midi et dans l'avenir, je me montrerai digne des hommages qu'il a bien voulu me rendre. Maintenant, avant de commencer, merci. Salut, je suis journaliste depuis 45 ans, comme on vous l'a dit, c'est moi qui ai fondé le syndicat de journalistes, qui en a été élu le premier président, et qui a été le premier martyr de la profession de journalisme. La presse ne voulait pas admettre le syndicat à ce moment-là. Elle m'en expulsa. C'était son droit. C'était le droit du journal de ne pas connaître le syndicat. Je ne m'en plaignais pas. Je fondais des journaux. Quand j'attaquais la presse, il ne s'en plaignait pas. Récemment, M. Gérard Pelletier, phénix d'un nid d'oiseau, bien spécial, a été expulsé aussi de la presse. Ça a été une commotion terrible. Épouvantable. Les propriétaires de journaux, pensez donc, ne voulaient pas accepter qu'un employé salarié ne servit pas ce qu'il payait. Au lieu d'un journaliste, s'il avait été fabricant de chaussures, un salaire. Mais il aurait été obligé de fabriquer des chaussures qu'un fabricant voulait qu'un fabricant. M. Pelletier s'est dit, après son expulsion, socialiste, comme le Labour Party anglais, et il travaillait dans un journal capitaliste. Et il voulait se servir du bien des autres pour propager ses petites idées personnelles à lui. Et tout l'argent journalistique s'est mis à crier attentat à la liberté de la presse. J'en connais quelque chose, moi, de la liberté de la presse. J'ai travaillé pour une vingtaine de journaux et j'ai eu une quinzaine de journaux à moi. C'est un mot, c'est un mythe, ça n'existe pas, ça n'existera jamais, la liberté de la presse. Jamais le pape ne permettra que des anti-catholiques écrivent son journal de l'Observatorio Romano. Jamais Moscou ne permettra que des anti-communistes écrivent dans la Pravda ou les Izvestia. Jamais le grand Orient athée ne permettra que dans son organe, l'Acacia, des anti-francs-maçons écrivent. Jamais le Parti libéral ne permettra que des conservateurs écrivent son journal libéral. Et jamais les conservateurs ne permettront que des libéraux écrivent leur journal conservateur. Et moi, dans mes journaux de droite anticommuniste, jamais je n'aurais permis que des gauchistes communistes n'écrivent dans mes journaux. La liberté de la presse n'existe que pour celui qui a un journal. Celui qui a le sens et les moyens de fonder un journal. Et ceux qui écrivent un journal qui l'a fondé, ses employés, doivent servir le patron. Comme une soupe de table dans un motel doit servir ce que le patron lui demande de faire. Comme un bedeau dans une église doit faire ce que le curé lui demande de faire. La liberté, tout le monde en parle. Moi, je la cherche depuis tout le temps. J'ai vraiment trouvé. Je suis venu à Québec. J'ai failli avoir une billette de l'autre. Je passais de même quand je venais, il y a 20 ans. Là, il y a du lèche qui s'en va de même, j'ai plus le droit de passer. C'est un droit de perdu. Dans des bacs à Montréal que je traversais autrefois, c'est moi qui porte de grâce, parce que pas sur le gravillon, amende je te dis à tout penser comme autrefois. J'aimerais à ta femme comme la sienne, mais être obligé de pas vivre comme animal. Je suis obligé. Je veux pas ni peut-être pas dormir. J'aimerais à ta femme comme la vache ou l'homme ou le gorille qui a mangé trois fois par jour. C'est ce qu'on peut ça. Si je veux pas le faire, reprouver. Je vais amener à parler de la petite chambre, gentleman, pour venir ici. Mais si je ne vais pas faire crever, je suis même esclave de ça. Et je me demande où c'est possible. Et plus ça va, plus l'État prend des pouvoirs et des droits, c'est autant de liberté que le citoyen avait. Et c'est rendu aujourd'hui que quand on travaille, qu'on soit son enveloppe de paye, quelqu'un vous dit de prendre notre enveloppe de taille avant nous autres, le gouvernement. Il y a des droits, des droits. Mais où est ma liberté avant d'avoir toute ma paye? Ça n'existe plus. Et plus on perd de liberté, plus ça gueule. Liberté, liberté, liberté, c'est la gauche. Et le grand programme de la gauche crie toujours ceci. Et il dit 100 euros par jour, les gauches. Non, ils disent ceci. Nous avons fait du mot liberté un étendard que les foules suivent avec extase vers leur esclavage. Regardez à Moscou, regardez en Chine, regardez à Cuba. Tout ça, c'est fait pour nous, la liberté. Et la liberté est tellement grande que si quelqu'un n'est pas content qu'il va sortir du pays, il reçoit une balle dans le dos. Sinon, il a des lignes pour les empêcher de sortir du beau paradis de la liberté. Alors, si vous dites que le mot, on se gâche de mots, et ma profession est la plus mensongère, la plus sale qui a jamais existé en ce monde. En 1927, le président des journalistes de tous les États-Unis, après 25 ans de présidence, recevait un grand banquet Chicago. Et voici à peu près, en résumé, le discours qu'il leur faisait. Devant 2400 journalistes éminents, mes chers confrères, vous savez que nous sommes obligés de mentir à la journée. Nous savons que nous mentons. Nous tranquons la vérité. Nous la dévoyons. Nous la salissons. Nous la réduisons. Nous sommes obligés de le faire si nous voulons avoir notre pays au bout de la semaine. Et nos patrons sont obligés de nous l'imposer s'ils veulent avoir des annonces et s'ils veulent recevoir des nouvelles des grandes agences contrôlées par ceux qui enchaînent la liberté. Après 45 ans de métier, après avoir fondé un syndicat, pourquoi? J'avais ça dans le sang. Mon père, Narcisse Arcand, est l'homme qui a fondé le prix d'union ouvrière en 20 ans dans la province de Québec. Il est connu partout. Il est mort. Je respecte sa mémoire. J'avais ça dans le sang. J'étais son secrétaire dès l'âge de 15 ans. Le père était un orateur et tout le monde l'appelait une boule de feu. Je savais pas écrire en anglais. Moi, je l'avais appris dès l'âge de 8 ans. En jouant au football avec les petits Irlandais de mon quartier. À 15 ans, je connaissais l'anglais aussi bien que le français. Et j'écris aujourd'hui bien des formules étrangères en anglais, etc. Je ne mets pas mon nom, parce que l'ordre, c'est poison. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'écris dans une revue mondiale franciscaine. Une série de 24 articles. Ça a été publié à travers le monde entier. Sur le féminisme. On trouvait ça beau, on trouvait ça admirable. On disait, mec, c'est donc fantastique. C'est génial. C'est pas fini, trop vite. Après deux ans, on disait, pardon, je serais sur le de alors, celui qui a tiré, je suis ma copine en secret. Et le Franciscain, il y a des cachotiers. La portazione è grande, ma il caffè sono un ipocrite. Perché chi è un ipocrite? Un po' di più, so, si capisce. Allora, c'è lui che ha scelto di capire. No, è una buona detta serie dei tuoi fix e termine. E se tu torni a un altro hotel, chi non si chiederà questa azione? No! Oh, ben fatto a me per niente. E ci sarai da me a prendere. No! Dai, ci m'ha aperto più mezza mossa e si l'accetto, mi sa di dire. Se posso dire, miei amici, chiamando tu Giuseppe Vettina. Se tu lo premiamo al Canada, ma ci da San Vettina, a noi lo vedi e organizzi il tuo corpo per me. Avete la mossa di presidente di Quebec? Non c'è come dice. E se io mi dico che so. Dammi un notario, ho c'è una giusta. Se voi l'Italia Repubblica, c'è schien su le bocce, no? Dammi un altro una volta, ho c'è una giudica. Un giudicato, un franco, un salarò, un metaxo, un dottore, n'importa qua. Je suis tout, ma je suis rien. Tu vuoi sposare una vita d'argento, se possibile. Io sono anche il mondo di valore con la pezza, ma poi lo so qua. Oh, nonna. Svevo che ci siete, posso usare il giovane che ho per mia mamma. Cioè, ne ho ancora fatto dichiarazione di dietro. Due mesi a mio motivo, ho ancora mangiato. Ah, e ci vuoi stare in Roma. Al caso, mi ha sbandito per sì di un po' di senato. Se te ne ha preso, lo è per... Tu vuoi avere i figli, se te ne ha preso due figli. Al caso, mi ha sbandito per sì di un po' di senato. Se puoi fumare che sei la professione del giornalista. La même presse, le 12 juillet 1938, publiait Adrien Arcand, hier, à Kingston, Ontario, a été élu chef du Parti de l'Unité Nationale. En 38, 12 juillet. Et je dis d'abord, je vais vous avoir fondé le parti. Les journalistes d'Amérique ne consultent même pas la presse qui a publié déjà ces choses-là. Et Diagan a été interdit comme parti de l'Unité du Parti National Social Chrétien. La salle a été détruite en 1934, c'est un moment. Et Arcand était chef de chemise noire. Puis la presse, il y a 25 ans, disait que j'étais chef de chemise bleue. Non, non, non, si tu parles grand acteur, tu ne serais même pas bon pour dire « Madame la Comtesse est servie, un tireur d'utilité après mon petit français de Paris, un homme de genre du 7. » Oh, si je m'en souviens, Arcand, avec ses chemises brunes. Il doit avoir quelque chose dans l'air, il veut qu'il fasse manquer une couleur. Je me disais, dans le passage, il n'existe aucun. Mais lui, il s'en souvient. Oh, je m'en souviens. Si je vais dans une parole, c'est un problème. Pourquoi tu es peur, ne le dis pas. Alors, je vais vous rectifier ceci. En 1938, à une convention, même province s'était représentée. J'ai été élu à l'unanimité chef national du Parti de l'Unité nationale du Canada, Boniface à Vancouver. Et c'est un orangiste, protestant, anti-français, qui a soumis ma nomination en disant ceci. Il y a assez longtemps, nous autres, que les orangistes, anti-catholiques, on bave sur les Français catholiques de Québec, nous avons entendu un homme éminent nous parler franchement, nous dire qu'il était catholique, patrice, français, sénateur, qui mourrait de même, qui élevait ses enfants de même, mais qui nous a dit la vérité, nous voulons avoir l'honneur de proposer un catholique, français, patrice, comme chef de notre parti de l'Unité nationale. Le Nouveau-Brunswick secondaire, la Colombie anglaise, soutient, ensuite le Manitoba, ensuite la Nouvelle-Écosse, ensuite la Saskatchewan, ensuite l'Alberta. C'est de même que ça s'est passé. Messieurs les petits journalistes, Greenhorn, soyez dans ce qu'on était à nous autres il y a 40 ans. Des hommes sérieux, honnêtes, précis dans leur renseignement à la boule. Aujourd'hui, t'en es rendu. Où je dois vous dire que l'un des principaux articles de notre programme, quand nous sommes au pouvoir, nous sommes une loi de la presse. Et tout journal qui publiera un mensonge sera suspendu. On ne les empêche pas de dire la vérité. Je commente dans le sens qu'ils disent, mais qu'ils disent la vérité. C'est important. J'avais ces remarques préliminaires avec. Maintenant, vous voyez ceci. Nous avions, avant la guerre, le flambeau. Flambeau de la foi. La charité, l'espérance et de la vérité. Comme en blême. Pourquoi nous l'avons mis? Nous l'avons toujours mangé. Vous savez que nous sommes en pleine révolution mondiale. Que dans la moitié du monde, le christianisme est ostracisé, persécuté, anéanti. En Chine, Corée du Nord, pays baltes, Balkans, Russie, Cuba, une vraie chose. Que toutes les couleurs de soutane ont passé. Missionnaires chassés et expulsés. Quatre soutanes rouges. Linchinski, Stepinac, Ninzinski, Beran, Intensier. Soutanes violettes pendues à la centaine. Fusillés. Et des dizaines et des dizaines de mille soutanes noires, grises, brunes, de religieuses, de religieux, de prêtres, de congrégations, toutes sortes, anéanties dans les tortures. Une seule couleur de soutane n'avait jamais été touchée, la blanche. On la salit avec la pièce de vicaire. Et on vient d'attaquer celle de Paul VI. Alors, c'est la guerre au christianisme. Sur nos anciens drapeaux, nous avions au moins l'intuition du Canada qui figurait, la grosse croix blanche de Carillon. C'est distinctif, je souligne le mot distinctif, la race française qui a fondé le Canada. Et nous avions la Croix-Rouge, celtique, britannique, anglaise, signe distinctif des îles britanniques. On nous a enlevé tout ça à la veille d'une croisade, d'un combat pour la survie de la chrétienté dans le monde. Et on nous a donné un drapeau, on dit que c'est une fleur de feuille d'érable. Pour moi, ça a l'air d'une tomate effleurée qui a été garochée sur une nappe blanche. Faut respecter. Ça a été proclamé symbole national. Je le respecte. Mais il ne faut pas oublier que c'est un drapeau qui est né dans la division, la discussion, la cisaillie nationale. Et ça a été imposé par la loi du pognon, par un bleu qui voulait faire fermer la gueule à ses chefs, à ses collègues. Un ami passé, toi, bleu. Qui se prendra bientôt libéral avant mon temps. Il y a gagné ses 30 tenues. Respecterai quand même. Mais au moins pour notre parti à nous. De l'unité nationale, je veux que dans un combat pour la chrétienté, apparaisse la grande croix blanche de Francesc Carillon et la grosse croix rouge par-dessus deux Anglais qui sont venus compléter notre civilisation. Et je veux que dans cette bataille de croix que nous allons faire, ce bon tomate est foiré, mais c'est la croix que nous allions sur notre poitrine en allant au combat. C'est pour ça qu'avec le conseil national du parti, ça m'en fait pas peine, mais j'ai été obligé, dans les circonstances, de changer notre vieux flambeau d'avant-hier pour la croix blanche superposée de la croix rouge anglaise sur notre drapeau. Nos signes originaux, 5, 10, 5, 5. Comment ça se fait quand c'est tant divisé? Sur ce mot distinctif. C'est un ancien couvent de carmélites spirituels. Le devoir de revenir une maison de prostitution spirituelle qui a lancé ce mot-là. Et tous ont suivi. Distinctif. Je sais ce que c'est que la propagande. Massage des mots. Des idées fortes. Restructurées. Repoussées. Revisées. Comme des paroquettes qui crient. T'as les mains qui craquent là. Tout aussi. Et la même dame, ou l'heure de Dieu, ils ont trouvé le petit stock de leur quartier. En voyant des centaines de films qui nous ont été. Alors ça, c'est un peu le meilleur conseil. Bon. Mais maintenant que toute la graine est dans la mer, que le rando fait 100 piastres par jour, c'est un enfer, que finalement, est à la Société Générale de Financement, le Journal, la Syrie, que Pierre Laporte impose sa volonté en disant, ben c'est ça, par le jeu de la démocratie, que Dieu m'apporte les référendums et les consultations du peuple, c'est une fête. Sans tout être grammaire, j'existe plus biologisé. Les chefs parasites ont nous soumis. Et aujourd'hui, ce sont nos maîtres, nos permissions, ils nous ont dit ce que c'est que la prospérité. Ces gens-là, quand ils administraient leur rapport les autres, de l'homme, ils devaient aller taper tout le monde pour 100 000 piastres par année. Je vous disais pas. Mais nous, ça va être pour tout à l'heure. Alors, et ça a été glorifié par le Macline Magazine. Par tous les Anglais d'Ottawa qui nous crient Prise Trigène Québec. Québec n'est pas une fête. Il m'en est venu en Ontario il y a quelques temps. Je peux vous prendre une thèse dans une thèse. Bon, il y a comme deux carnets astrographiques pendant 4 heures. Je ne sais pas dans une thèse. Je lui ai dit, Québec n'est pas triste de nous par les prêtres. La meilleure preuve, c'est en 96. Quand Laurier, anticlérical, s'est présenté comme chef du Parti libéral, que la plupart des prêtres disaient, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, pas d'absolution à part pour ceux qui voteront libéral. Tout Québec a voté libéral. En voulant dire, mêlez-vous de vos affaires spirituelles. Mais je dis, vous êtes dans les provinces anglaises, chef socialiste, ici Douglas, un preacher. Avant lui, Woodward, un preacher. Thompson, Kennedy's, un preacher. Avant lui, Solomon, un preacher. Avant lui, John Blackmore, un preacher. Avant lui, Aberhart, un preacher. Je peux vous en nommer 60 à la Chambre de commune, qui sont des ministres protestants, bleus, rouges, de toutes les couleurs, et je peux vous en nommer 150 dans les législatures anglaises et provinces. Eh bien, moi, depuis 1534, j'essaye de trouver dans toutes nos histoires le nom d'un prêtre. Tu as été député provincial ou fédéral. Je ne l'ai pas encore trouvé. C'est vous autres qui êtes preacher rebel. Et pour cacher ça, vous nous dites que nous autres, on est preacher rebel. Vous ne trouverez pas que vous avez un petit peu bête devant les élus. Il dit, I think you're right. En souhaitant d'être raison, il dit, I am sure I'm right. Maintenant, on a annoncé, avant que je le fasse, ça vous savez, à mon âge, on dit on est gourmand. C'est ce que la jeunesse dit. J'accepte volontiers, sans compliment, si elle veut parler de ma foi sur les autres. Est-ce que vous pouvez vous dire que sur l'homme, l'homme, c'est double? C'est pas bien qu'un voyou, c'est un homme, un homme. Pas bien qu'un animal. Un esprit fort. Quel est l'âge de la puissance physique? Jusqu'à 30 ans. Quand il est couru le 50 mètres, il est mis. Quand il est pour le hockey, boxer, jouer au football, ça finit à peu près à 30 ans. Alors, la jeunesse, c'est la puissance du corps, au point de vue physique. Le point de vue esprit, l'esprit, c'est la vérité, la recherche de la vérité. Quelle est l'âme sur la puissance de l'esprit? C'est-tu la première fois qu'un petit gars à 15 ans se fait tomber sur les doigts, que là, ben, le chat de non. C'est quand il est rendu à 50, 60, et ça fait 50 fois qu'il se fait tomber sur les doigts. Puis qu'il dit, la prochaine fois, ils ne m'attraperont pas. Je connais leur patente. Ma main va partir plus vite que tout pouvoir aller. La jeunesse de l'esprit, c'est la puissance de l'esprit qui n'est donnée que par l'expérience et la connaissance. C'est l'inverse de la jeunesse physique. Parce que le vieux, vous savez, on court après pendant 55, 60, 65 ans. Ça prend ça pour la trouver. Et la vérité est tout parallèlement jeune. Autant d'Adam et Ève, elle n'était pas plus vieille qu'elle est aujourd'hui. Et dans 100 millions d'années, la vérité sera aussi jeune qu'elle l'est aujourd'hui. C'est une chose que je ne dis pas. Comment je voudrais dire ça aux jeunes? C'est le résumé de ce proverbe. Si jeunesse savait, si joyeuse pouvait, au point de vue physique, si je me savais, au point de vue spirituel. Moi, je dis ça souvent à mes nièces. Ça dit 18 ans, et belles filles. Si tu connaissais les hommes comme je les connais, dans 6 mois, tu serais millionnaire et tu n'aurais même pas donné un petit papier. Si tu avais mon expérience, comment elle va marcher? Non, non, tu n'y penses pas. Quand même, je te dirais, ben, si tu peux pas le comprendre, ça va te prendre 60 ans pour que tu sois dans ta verre, toi aussi, tu peux comprendre. C'est l'éternelle histoire de la vie. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons reparti nos activités? Je vous ai souvent expliqué que nous sommes en pleine révolution mondiale. Que nous vivons de mensonges depuis 50 ans. La guerre de 1914 a été la première phase de la révolution mondiale. Toute l'Europe s'est battue. Ça a été dans le fond une guerre civile. L'Europe s'est entre-déchirée, entre-détruite. C'est qu'à gagner. Une seule chose qui était pour l'européenne, le judéo-communisme. En Russie, pourquoi la Russie, qui l'avait choisi? Parce que ça chevauche l'Europe, l'Asie, le Proche-Orient. Le communisme était bien établi. 20 ans après, le traité de Versailles, 1939, éclate la Deuxième Guerre mondiale. Ah! Moi, c'est là que j'ai été interdit. J'ai aucune concentration. Je suis championnat dans deux Britanniques, comme interdit en concentration. Je connais des amiraux, des généraux, des chefs de parti, le premier ministre affiché, puis il y a 15 ans. L'amiral sauf de Barry Bangou a payé 3 ans. Sir Oswald Marvin en Angleterre a payé 3 ans encore. Moi, j'ai passé 15 semaines. Sorti, moi, après 3 mois après la fin de guerre. Il y a un ministre libéral, je suis venu ici. Je reviens de mes amis, je viens de partir de la presse de Montréal. On va sortir à Rockham pour 10 000 piastres. J'envoie ma femme au camp, je vais dire à ton mari, je vais le payer, j'y dois ça. Alors, il va répondre aux gens, il est bien chic, je le remercie, il est charmant, il fait preuve d'amitié, mais aussi longtemps que la liberté sera avant dans le Canada, je vais faire crever ici de temps en temps, je vais en passer de ça. J'avais des amis qui étaient députés. Je suis allé demander, oui, mais pourquoi est-ce que vous le gardez? La guerre est finie! Il y a une tête de cochon, vous allez me dire. Il me fait dire ça. Je vais vous dire, tête de cochon, tu peux être vendu. Jamais, il n'y avait pas. Et je n'y ai jamais à mon lit depuis. Alors, deuxième guerre mondiale. Voilà le fait de mensonges, de déception, de rouler hypocrisie. Churchill criait, je fais la guerre pour empêcher la liquidation de l'Empire britannique. Est-ce qu'il est aujourd'hui dans les Britanniques? Donc il nous a trompés. De Gaulle criait de Londres, nous voulons continuer cette guerre pour en consolider l'Union française. Restreindre l'Union française aujourd'hui. D'autres criaient, c'est la guerre pour les 4 libertés. Où sont-elles les 4 libertés aujourd'hui? D'autres disaient, c'est la guerre pour détruire la dictature. La dictature existe aujourd'hui en Estonie, en Latvie, en Finlande, en Yougoslavie, en Bulgarie, en Yougoslavie, en Albanie, en Allemagne de l'Est, en Corée du Nord, au Vietnam, en Chine, on a la fin de guerre pour abolir la dictature. Et ça a été une guerre qui a multiplié la dictature. C'est-à-dire qu'on a fait une guerre exactement le contraire de ce qu'on disait aux soldats qui allaient se faire tuer et aux taxés qui étaient obligés de la payer, cette guerre-là. Et tout le monde se réveille aujourd'hui. Cerné, encerclé, se demandant, on ne sait pas où est notre main droite, où est notre main gauche. On est tellement mêlé qu'on ne comprend plus rien. Bon, mais je l'ai, j'ai le seul temps de dire. Depuis 20 ans, imaginez-vous pas que j'ai rien fait. Mais je lui dis ceci, moi. Il y a un roi général qui dit, à chaque troupeau pour un berger, qui c'est qui est important? Les 2000 moutons du rang sur la même berger qui va commander. Je vais chercher des jeunes chefs. Et je vais les normer. Je ne peux pas faire autre chose depuis 20 ans. Je vais normer des jeunes chefs. D'ailleurs, je sais que notre Seigneur a dit à Saint-Pierre. Père mes brebis, père mon troupeau. Je te donne un bac de moutons, père mon brebis. Il n'y a pas rien, tiens. Où est-ce qu'il y a rien? Moi, j'en ai choisi quelques centaines. Je sais une chose, que sur 1000 personnes, il y en a 999 qui marchent par la tête. Peur de se faire engueuler par la femme si elle manque tard. Peur de se faire critiquer s'ils vont pas à messe le dimanche. Peur de la police, peur des avocats, peur des tribunaux, peur de se faire m'endormir dans un journal, peur de perdre des clients, peur de perdre des... Les fournisseurs, tout le monde marche par la paix. Il en reste 1% sur 1000. Je perds de rien, il dit moi j'ai des convictions. Le principe, c'est ça, je marche que je dans le reste. C'est ce mouvement-là que j'ai cherché. Et j'en ai quelques centaines à travers le Canada. C'est ce qui ce qu'on a passé, c'est la révolution mondiale. Les deux premiers actes de la tragédie. Et tout le monde n'est pas encore communiste, il reste l'Amérique. Le troisième acte s'en vient. Prenez la première guerre multipliée par la deuxième guerre, et vous allez avoir la troisième. inévitable. Quand je disais ça, on m'entend, moi. La guerre sans vie est inévitable. Et cette guerre-là, c'est pour détruire les empires de l'homme blanc. L'empire anglais, l'empire français, l'empire belge, l'empire espagnol, l'empire italien, l'empire hollandais. Tout le monde dit, mais il est complètement fou. C'est un prophète de malheur, c'est un pessimiste. Qu'est-ce qu'il est fou? Et là, vous dites, ça après ça, je peux vous montrer mes gris dans la guerre. C'est pour ça que j'ai été interné. Je m'avais pas fait ça, pendant la guerre. Je ne l'avais pas dit pendant la guerre, je l'avais dit avant la guerre. J'aimerais, je sais quoi vous avez dit. Si vous signez la carte d'enregistrement, ça veut dire conscription. Est-ce que c'était vrai ou si c'était pas vrai? C'est vrai. Mais y a-t-il 12 heureux ou un juge qui va condamner un homme parce que c'est vérité? Peu importe, ça se voit après ça comme bien eux. C'est pas possible. Ils n'ont même pas la peau du bout. Ils n'ont même aucune concentration, sans accusation, sans procès, sans jugement, sans sentence. 4 hommes. Après la guerre, ils m'ont sorti. Moi, c'était la même chose. Ils ne pouvaient pas me condamner, mais c'est la vérité. Mais il fallait pas que la vérité soit dite. C'est ça le crime. Aujourd'hui, la plus grande victime de la guerre, c'est la vérité. On vous dit n'importe quoi, sauf la vérité. On vous parle des nègres en ce moment. On parle des nègres, là, aux États-Unis. Ah, des voitures. On vous montre avec des millions de religieux, des preachers, des prêtres, qui marchent tout là-haut. Sauf prêtres, sauf religieuses, sauf prêcheurs, qui vont jouer les costumes à New York, ces acteurs. On vous montre pas les lettres pastorales des évêques d'Alabama. Les écrits, l'évêque anglican, qui demande à tout son clergé de se montrer dans cette histoire-là, parce que c'est des communistes qui mènent ça. Non. Là, on prépare la République communiste nègre du sud américain, qui doit prendre un sandwich aux États-Unis avec un Québec communiste séparatiste. Et je sais ce que je dis. Je connais tous les fondateurs. Tout ce qui se passe dans les côtés de gauche, moi, je vois ça, on le sait. Ils sont tous gauchistes et gauchistes. Et Québec est la loi dure à craquer au pays. Et c'est à celle qu'on s'acharne. C'est d'ici qu'on avait les gens de Castro, et les gens de Chine, et les gens de Moscou. Ça nous arrive que par les gens, l'Algérie est jouée de partout, et surtout des francs-maçons athées. Alors ces gens-là s'en viennent ici pour tout s'embarquer chez nous. Est-ce qu'on va vous laisser faire? C'est la question que je suis posée. On mobilise la jeunesse. La jeunesse a du vin dans le trou et des bagues de rabais. Mais comment dire? Cette jeunesse qui descend des paillards, des tibétains, des dollars des hormones, des héros, la réponse, qui s'en va s'asseoir dans les rues à la pluie, comme les civilisations mortes d'Asie et d'Afrique. C'est ça les blancs pour tout. Non. Crois-moi que je m'en vais mobiliser la jeunesse saine, qui comprend que les civilisations se font pas par les bavards et les intellectuels, mais par les héros, les saints et les sages. Et on va la lancer contre les dégénérés, politiques, existentialistes, qui veulent essayer d'empêcher le progrès de notre civilisation. Et ça y est, avec eux. Vous me direz, pourquoi est-ce que vous êtes toujours anti-juif, M. Alcan? Je ne suis pas anti-juif. Je suis pas gentil. Vous savez, les juifs ont divisé le monde en juif et gentil. Pas de juif qui a fait une division. Qu'est-ce qu'un gentil? Qu'est-ce qu'un juif? Allez, les juifs, toujours, ça existe. Encore aujourd'hui, je ne vous parle pas du Moyen-Âge, vous nous avez vu là. Les juifs me disent, seul les Juifs concernant d'Abraham sont le peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple choisi, les chéris du Créateur. Les autres qui sont pas Juifs, les Goyim ou gentils, ça c'est les animaux. Quand un Juif regarde les autres, il ne voit pas un être humain, il voit un gorille, comme un homme dressé, un singe apprivoisé. C'est ça qu'il voit. Le saint document ici joué, ça ne date pas du Moyen Âge. Mars 1964, Jewish Parents, New York, il raconte une petite histoire. Dans une caverne qui s'intitule It Happened in Israel. Ça s'est passé dans les coins d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceci. En décembre 1964, a eu lieu dans la grande synagogue de Jérusalem un service commémoratif à l'occasion de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. Suite, dans la classe de le 22 novembre 63. Alors, le président Kennedy avait tellement fait pour les pénurés qu'il a pisé tout le monde. Et c'est moi qui ont quitté aussi. À l'occasion de ce service, le chef rabbin de Jérusalem, Yitzhak Rubin, a fait enlever du rituel de la cérémonie le mot Aram. Because only Jews had souls. Parce que seuls les Juifs ont une âme. Et ça, c'est pas au Moyen Âge, c'est pas Adrien Arcand, c'est pas une guerre qui parle. C'est un journal juif qui cite le grand rabbin juif de Jésus. Et le même rabbin, tout ça, il sait. J'ai ici une découpure de journal juif qui dit ceci. En date de Tel Aviv, 25 décembre 64. Par deux reprises, le gouvernement d'Israël a insisté auprès du grand rabbin Yitzhak Rubin pour qu'il accompagne les ministres du gouvernement afin d'accueillir le pape Paul VI qui venait visiter Jérusalem, ne serait-ce qu'à titre qui est un chef civil couronné de la cité du Vatican. Le grand rabbin Yitzhak Rubin a deux reprises refusé, disant « C'est la chiennerie de christianisme qui n'a pas payé au judaïsme. » Et la nouvelle ajoute « Le gouvernement et les sacres politiques de l'État d'Israël en ont été profondément troublés. » Je ne suis pas anti-juif, mais je suis contre la doctrine juive qui dit que je suis un gorille. Je prétends que j'ai une âme, que j'ai le droit d'être traité comme un homme, comme une âme, comme un être humain, avec ma dignité humaine. Ce que les juifs refusent de faire à travers le monde. Puis ça, c'est Dieu qui nous dit. Et les pharisiens voulaient entendre un piège à Jésus-Christ, ils furent demandés. Maître, que faut-il faire pour être sauvé? Mais comment il a dit? Ben, il diable de Dieu, tout son cœur, tout son âme, et son prochain comme soi-même. Il a donné une question. Mais, qui est le prochain? Il a le droit de s'aventer, si détesté, si maudit par le Dieu, peut être le prochain. Et il le brûle, il le lapide. Parce qu'il enseignait qu'un monde doit être le prochain des Juifs. Et ça, d'ailleurs, il y a un genre de sens. Ça me met une obsession chez les Juifs. Bon. Alors, je vais faire venir les Juifs. Mais avant d'aller plus loin, un journal, le plus de gens, tranquille. Ah, s'il savait ce que son père pensait. Il était si grave à son vrai nom, mais c'était mon ami, tu vois. Il était directement en choc, mon cher. Il dit, mon cher. Ah, tu vois, nous sommes trop américains, pensez-vous. Hier, j'entends que nous, on soit des 30 américains. Moi, je dis, j'aimerais s'en savoir. Je suis ça, ma chère, ça, comment tu veux que ça va là. Puis je m'envoyerai de la radio et de la télévision. Et même des annonces dans le journal de l'Europe, Franck. Ben. Une seule puissance au monde en ce moment est crainte par Castro, Suleiman, Mao Tse-tung et Brezhnev et Kosygin. En passant, laissez-moi vous dire que tous les chefs du Parti communiste, depuis toujours, le même de nos jours, par les jours, parce qu'ailleurs, Trotsky était un juif, Staline, Mariola Juif Karamovitch, Khrushchev, Marianne Juif, sa deuxième femme, et la Brezhnev, Marianne Juif, et ses enfants, c'est des Juifs. Alors, le sort de la tribu est toujours là. On n'a pas encore été capable d'en trouver un qui ne vit pas mes lettres. Alors, les États-Unis sont le seul obstacle au communisme. Ils ont été l'obstacle au Congo. Ils sont l'obstacle en ce moment. Au Vietnam. J'ai ici une photo. C'est moi, vous savez, collectionner les photos de journaux. Ça a été publié, ça, dans le New Advance. Avril 38, ça fait 27 ans. Il y a 27 ans, même, était assez jeune. Pour ça, c'est une photo d'un groupe de jeunesse canadienne qui vont assister au premier congrès de la jeunesse communiste à Genève, en Suisse. Bon. La photo est ici, ceux qui ne veulent pas croire viendront voir après. Le chef de la délégation des jeunesses communistes à Genève, Paul Martin. Pour aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères du Canada. Le 10e en chef, c'est Guy Douglas, qui depuis ce temps-là est devenu chef du Parti socialiste. Le 3e en importance, William Carsten, qui est devenu chef du Parti communiste aujourd'hui. C'est rouge, rouge moyen, gros rouge. Moscou et Pékin écrit Yankee Go Home, sortez du Vietnam. Deux jours après, on entend une petite voix visiter Paul Martin, sortez du Vietnam. Le lendemain, Tissy Douglas, sortez du Vietnam. Et puis sur la mer, avec une grosse voix, Carter, sortez du Vietnam. C'est pas ça curieux, là. Même délégation, chez les mêmes jeunesses communistes, un élément en chef du petit rouge, l'autre le grand chef du moyen rouge, puis l'autre le grand chef du rouge foncé. Puis ils créent toute la même chanson, la même tune, avec les mêmes paroles. Répétant les paroles et la tune de Moscou, de Pékin et de Cuba. Et nous, ils vont vous dire, oh, communisme. Vous êtes un chasseur de sorcières, monsieur Arcand. Un radical, un extrémiste, un nazi. 6 millions, 6 millions, 6 millions morts. Ça, c'est pour cacher les 60 millions qui ont fait mourir. Moi, je leur réponds à la phrase de Joseph Staline. Pas besoin d'avoir sa carte du Parti communiste pour faire notre ouvrage. Un professeur d'université qui parle dans notre sens, vos 5 idiots communistes, porteurs de cap, qui sont bons rien qu'à savoir des coups de bâton, police sur la tête. Et un général d'armée qui parle dans notre sens, même s'il n'est pas communiste, vos 500 imbéciles communistes, porteurs de cap, qui partent. Quand le communiste dit, la religion est l'opium du peuple, il faut la détruire, si je fais ça, si je travaille à la détruire, je fais le jeu de Moscou, pas nécessaire d'avoir ma carte du Parti communiste. Quand le manifeste communiste dit qu'il faut détruire la propriété privée, si je travaille à la détruire, pas besoin d'avoir ma carte du Parti communiste pour faire le travail du ministre. C'est ça, l'aile marchande. Je l'ai déjà expliqué. Le communisme, c'est la barbarie, opposée à la civilisation. Notre civilisation est faite d'affirmations positives et constructives. Il y a un Dieu, il y a un au-delà, il y a une âme humaine, il y a des droits sacrés de la famille, nécessité de la religion, propriété privée, initiative personnelle, libre entreprise. Le temps, c'est une négation constante de ce que nous affirmons. Pas de Dieu, pas d'au-delà, pas d'âme humaine, pas de religion nécessaire, pas de droit sacré de la famille, pas de propriété privée, pas d'initiative personnelle, pas de libre entreprise. C'est une négation. Mais quand on met quelque chose, on désire quelque chose, on arrive quelque chose. En compensation, qu'est-ce qu'il nous offre? Le pays prison. Comment ça ne sent pas? Tout le monde est égal, tout le monde a le même costume, tout le monde se lève à la même heure, tout le monde a le même char le matin, le même char le midi, le même char le soir, les lumières sont à la même heure pour tout le monde a le même salaire. Mais essayez pas de passer le gros mot de Dieu, vous avez une balle dans le dos. Comme à Berlin, comme à Cuba, comme à Moscou, comme à Pékin. Et on vous donne le statut des animaux. Une vache dans les tueries, dans l'état de l'île, et une chèvre dans les tueries. Il n'y a pas besoin de religion, il n'y a pas d'au-delà pour lui, il n'y a pas de vie de famille, pas de propriété privée, pas d'initiative personnelle, on ne laisse pas faire si bon. On doit même le tuer quand on veut. C'est un animal sans âme. Premièrement, la main de Jérusalem disait. Et un autre grand rabbin, Stephen S. Wise de New York, passait son temps dans les années 20 et 30, où j'étudiais le couple de l'homme de New York, qui répète ses phrases, disait ceci: Some call it communism, I call it Judaism. Il y en a qui appellent ça du communisme, moi je l'appelle du judaïsme. Alors le judaïsme nous définit comme des animaux sans âme. Alors, Karl Marx le juif, Ferdinand Lassalle le juif, et Friedrich Engels le juif, nous ont donné un programme pour animaux sans âme. C'est rendu dans nos mains. Une partie de notre jeunesse en révolte ne sait même pas qu'est-ce qu'elle suit, qu'elle marche dans la barbarie contre la civilisation qui lui a donné le jour, qui lui a permis de s'habiller, de manger, d'étudier, on est rendu à suivre les orientaux, les civilisations mortes, contre la civilisation de la belle, la civilisation de l'homme, de la race, de la nation. Alors nous nous sommes décidés à nous lever, parce que je crois, et j'ai vu, que le temps est annulé. Maintenant, vous savez que les journaux disent ce qu'ils voudront de moi. Ça ne fait absolument rien, tout est dit. Tout est ici. De Québec, à Halifax, jusqu'à Vancouver, on passe à partir. J'étais un agent de tous les pays du monde, du pape de Staline, de la franc-maçonnerie et de Jésus, de Franco et du Mikado, enfin, ça n'a pas arrêté. Et le journal officiel, la CCF, Toronto, le New Commonwealth, a même dit ceci en première page. Adrien Arcand est un ivrogne et un brut qui a chassé sa femme à coups de pied et qui vit avec une didone en concubinage et élève des enfants qui nous déficient. Ma femme dit, écoute, il y a des limites, poursuit, des inaptitudes, mais ça fait 40 que je serais voulu poursuivre. Nous, ça, Saskatoon, Toronto, Guelph, Windsor, je ne peux pas courir de ville en ville pour faire des procès. C'est ce qu'il a eu pendant ça, je peux dire ce que j'ai dit. Le séjour-là avait dit à Kant, grosse verrue, grosse comme la rive au bout du nez, qu'est-ce que tu veux que je réponds? Oh, peux tu me laisser garder le nez? Puis je dis, à part ça, il y a des comptes que je n'ai pas droit d'accepter. Sinon, pour ça, à la porte de Sassou, il m'a dit, viens donc, lutter avec moi, toi, je suis meilleur que toi. Si je suis pas bêtise, je vais accepter. Même gagnant! Même si j'ai le cœur à la tête, Je vais être qui propre que vous quand je sortirai de la soupe. Elle n'est plus comme ça, ma petite fille. Adieu, adieu. Je dis, moi, je suis rendu que ça me fait rire. Quand il m'engage, je me dis, s'il me connaissait comme je me connais, maudit, j'en dirais à leur place. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Alors, ça sort toutes ces choses-là, mes chers amis, qui nous ont amenés à réveiller notre partie. Maintenant, c'est bien beau de les critiquer, etc. Qu'est-ce que nous voulons? Quel est le programme du Parti de l'Unité nationale du Canada? Parti qui s'étend d'Halifax à Vancouver. Parti monarchiste. Loyal et fidèle à la couronne qui la respecte. Parce qu'elle nous coûte rien, la couronne. La Maison Blanche coûte 10 fois plus cher que Buckingham Palace. Ici, on a voué présentement la couronne. La couronne est une personne consacrée au Saint-Duel. Comme un évêque. Objet mireur. Nous avons une souveraine qui porte dans ses veines le sang du Cid Campeador, de Charlemagne, de Clovis, de Louis Saint-Louis, de Catherine la Grande, Pierre la Grande de Russie, Édouard le Confesseur, ce qui est de plus grand dans toute la civilisation de l'Europe occidentale et chrétienne. Elle a tout ça dans ses veines, cette femme-là. Elle est propre. Elle est pure, elle est bonne mère, elle est bonne gouvernante, puis elle ne coûte pratiquement rien. Si nous avions un président, vous verriez les avions bien plus que 700 000 piastres, monsieur, que ça nous coûterait par année, et les orgies au champagne que ça nous coûterait. Et un président, tous les 4 ans, vous lui donnez un pain de boue. Regardez ce qui s'est dit à la dernière élection américaine. Goldwater, ah, monsieur extrémiste, peut-être peut-être exploitation de ses ouvriers. Lord Johnson, difficile tout autour de lui, baisseur du vol de la crapulerie, on les traîne dans la boue. Leurs propres soldats, dont ils sont les commandants en chef, que ce soit aviateurs, marines, soldats, de l'infanterie, ouais. Le président, c'est un cochon, c'est un ci, c'est un grafteur, c'est un ça. Et le soir d'élection, il sort du bain d'eau, puis devient un être sans tâche. Principe de toute autorité, c'est ça le président. Tandis qu'un souverain a été élevé dès son berceau pour respecter la couronne qu'il devra porter. Et quand il en est indigne, comme l'homme le plus populaire au monde que j'ai connu, Édouard VIII, et qu'une fois roi, il a dit la femme que j'aime, en parlant de la femme non divorcée d'un de ses propres sujets. Un roi qui voulait voler la femme d'un de ses sujets. C'est sa mère, la reine Mary, qui est à vous dire. Mon fils, tu es chéri de Marie, mais tu es indigne de porter la couronne, et je demande ton abdication. C'est ça la royauté, mes amis. Et c'est ça, ça que je m'attire. Nous sommes anti-séparatistes et nous reconnaissons ce qu'on doit à l'Angleterre, que nous avons formé. J'aime, moi, les écussons anglais, parce que ce sont mes ancêtres de Normandie qui sont allés les imposer. Dieu est mon droit, on y voit qui m'a y pense. Jamais ils ont été capables de traduire ça en anglais. C'est la langue française qui cause que la couronne d'Angleterre. Et ce sont mes ancêtres de Normandie qui ont sauté la Manche et qui sont allés planter des fleurs de lys autour de la couronne anglaise. Et ils n'ont pas été capables d'encore ôter ça. Vous ne voyez que ça sur la couronne anglaise. Ça vient de Normandie. Et ce sont mes ancêtres de la petite Bretagne qui ont sauté le Channel et qui sont allés dire, on vient te baptiser, te donner nettement nous autres les petits Bretons, tu vas t'appeler la Grande-Bretagne. Et les Anglais n'ont pas encore été capables de se débarrasser de ça. C'est la même race. Jusqu'à George III. Mais en Angleterre, à Westminster, on était toujours couronné roi d'Angleterre Oui, de France. C'était les descendants des barons normands qui étaient allés en Angleterre. Qui disaient, nous autres, on va encore garder nos baronnies françaises. Et vous savez, ce sont des frères de sang. Les chicanes de l'air sont encore les plus durables. Ça nous a divisés pendant 500 ans. C'est moi qui passe. Je descends de l'empereur. Moi aussi, je descends de l'empereur, mais c'est moi qui vais être passe. L'orgueil pleurit. Et il n'y a eu qu'une civilisation. Une autre culture. Et le jour qui nous a divisés sur le drapeau, ça a été divisé là-dessus. Il n'y a qu'une seule culture pour les Blancs, les Occidentaux. C'est la haute culture et civilisation occidentale. À un moment donné, ça a été l'Espagne qui le menait. Jusqu'à Charles Quint, Isabelle, la catholique, la découverte des deux Amériques. À un moment donné, c'est tombé dans les mains de la France avec les grands royaumes qui ont amené la haute culture et civilisation occidentale. Et après la chute de Napoléon, c'est tombé dans les mains de l'Angleterre qui a pris le leadership et qui a commandé. Et le jaloux de les déchets français devant l'Angleterre et les Espagnols jaloux déchets devant les Français qui les avaient remplacés. On passe notre temps à se mettre les gens. Mais c'est toujours la même haute culture de civilisation que chacun exprime dans sa langue et suivant son tempérament. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire dans une culture italienne, une culture française, une culture espagnole, une culture anglaise, divisée au tout par ces jours. Moi, je dis ceci. Il n'y a qu'une culture occidentale, chrétienne, pour tout l'Occident et tous les Blancs. Nous avons été formés de ça. Déjà au temps des grands-mères. Frédéric Barbarousse, Richard Cœur d'Aignan, Saint-Louis de France, s'en allaient ensemble, pas comme Français, pas comme Anglais, pas comme Allemands, mais comme Occidentaux chrétiens. Pour combattre les ennemis de la chrétienté. Ils se baragouinaient ensemble une espèce de latin corrompu, puis ils se comprenaient. Comment on se l'apprend? Allez dans le canton de l'Est. Vous voyez les gars qui s'appellent Scott, qui ne parlent pas un mot de français. Des McCauley, des McCaffrey, de tout ce que vous voudrez. Vous avez des descendants allemands ici, les Hans, les Schenk, les Faust, les Lippe. Lippe en allemand. Pas capable de dire un mot allemand, mais même anglais. Ça montre que c'est la même culture, mais qui s'exprime dans une langue différente et suivante l'apparemment des peuples. Et moi, je dis ceci. Et surtout, je dis à l'intention des deux juifs qu'on vient de nous nommer pour enquêter sur la libération de haine, la propagande de haine. Et la haine ne vient que du juif. Vous l'avez montré dans le Ramin de Jérusalem. On dit non, mais pas d'homme. C'est pire, ça que lui, le respect de la dignité humaine. Moi, je peux considérer un nègre comme un humain et manquer de respect envers la dignité de sa personne. Mais si je dis que c'est un barreau, c'est un animal sans âme, c'est pire que le respect. C'est de l'animalisme, de la bestialité. Et bien, je dis ceci. Dès les faits qu'avant vous voulez, qu'on soit polonais, ukrainien, allemand, français, anglais, gallois, irlandais, ulstérites, ou écossais, nous sommes tous de la même culture et même civilisation, nous allons la défendre contre les Orientaux non-chrétiens juifs qui veulent nous mener dans ce pays. Maintenant, quelques articles de notre programme. Je vois que le temps avance, par l'actualité de Montréal et c'est tout. On nous attend ce soir encore pour des caucus. La gauche, c'est caucus, la droite a bien le droit d'avoir le sien, hein? C'est pas à sens unique, cette histoire-là. Un des articles de notre programme. La redivision géographique du Canada. On parle de la Constitution du Canada. Pour moi, elle était parfaite, la Constitution, si elle avait été respectée. Ottawa est entré dans l'article 92, dans les droits exclusifs réservés comme monopole des provinces. Voilà. Ottawa a tout payé. S'il doit payer pour ses activités fédérales, il y a encore 200 millions qu'il ne nous envoie pas dans le Québec. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'Ottawa, après avoir payé tout ce qu'il doit payer au point de vue fédéral, fait des activités provinciales. L'enseignement, la voirie, exploitation de ressources naturelles, hospitalisation. Et où ça? Dans le territoire du Nord-Ouest et au Yukon, qui sont la moitié de la superficie du Canada et qui n'appartiennent pas à aucune province du Canada. Aussi longtemps que ça sera demain, Ottawa sera obligé de faire des choses réservées exclusivement aux provinces par l'article 92 de la Constitution. Moi, je dis ceci. Je veux un gouvernement fédéral fort et puissant dans ses attributions fédérales. Je veux des provinces fortes et puissantes dans leurs attributions provinciales. Et pour en finir, je refais la carte du Canada. La colonie anglaise va prolonger sa ligne de démarcation jusqu'au pôle Nord. À elle sera le Yukon, à elle sera tout le reste. Et c'est elle qui donnera des droits territoriaux, forestiers, miniers, pétroliers, qui fera de l'enseignement, qui fera de l'hospitalisation, qui fera de la voirie, là. Pas Ottawa. La Saskatchewan, demain, sa ligne frontalière sera prolongée jusqu'au pôle Nord. Même chose Manitoba, même chose Ontario, et Québec aura le Labrador en entier. C'est à nous, le Labrador. On appelle ça l'île de Terre-Neuve. Mais avez-vous jamais vu une île faite comme ça? Le duc de Terre-Neuve s'est pris dans Québec, qui appelle ça l'île de Terre-Neuve. Aucun bon sens géographique, historique, moral, économique ou social. Au nom du Parti de l'Unité nationale du Canada, et c'est la première fois que je dis au pays en ce moment, je réclame et je veux que le Labrador appartienne en entier à la province de Québec. Quant aux provinces maritimes, ma foi, vous en avez, ils n'ont même pas la population de Québec. Aucun bon sens. Il faudra que ça devienne une province. La province atlantique. Et nous avons fait depuis 20 ans des sacrifices inouïs pour aider l'ouest du pays à se développer, à devenir quelque chose. Je demanderai à toutes les provinces, et surtout à l'Ouest, d'ici 20 ans, de faire des sacrifices inouïs pour relever nos maritimes, la province de l'Atlantique, et en faire aussi quelque chose de grand, de prospère et de satisfaisant dans notre pays. Ce sont les premiers qui sont venus au pays. C'est un des articles de notre programme. Il y en a beaucoup d'autres. De temps en temps, mais tout de même. Au point de vue du plan de développement municipal, au point de vue économique, social, abolition du chômage, nous sommes le seul pays, le seul parti, à réclamer le corporatisme comme système politique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est l'abolition du parti politique. Vous n'en cacherez pas, moi je suis un des fondateurs de l'Union nationale. C'est moi qui avais toute la propagande en main, en 1935-1936. J'étais propriétaire par mandat à 100% Le Montréal Matin s'appelait dans le temps l'Illustration. Son propriétaire réel était personne, jeune personne de la presse, Radio-Canada, La Patrie, CHLP. Je pouvais faire ce que vous voulez dans le journal. Le médaille du Plessis. Alors, je suis libre de parler. Aujourd'hui, je regarde l'Union Sénat. Cette fois, ma famille, vous n'avez pas mis sa parole du Plessis, je suis un fondateur. On voit que l'Union Nationale a peur de se dire partie de droite, changée par la droite. Elle essaye de payer le pognon au pôle de l'Est et l'Ouest. Elle risque de tout mentir. Elle se fait inspirer par des étrangers. Elle va s'inspirer dans les pays socialistes, monsieur. Au lieu de s'inspirer au tréfonds du cœur et de l'âme des Canadiens français, qui ne sont pas comme aucune autre race au monde. Parce que nous sommes spirituellement moitié des Saxons, moitié des Latins. Il y a rien deux choses dans la vie. Ma peau, ma chemise. Ma liberté, ma propriété. Pour ma liberté, je suis un Anglais. J'ai avalé la Magna Carta, le Bill of Rights, le Code criminel, les brefs de prérogatives. J'ai aimé ça. Nous l'aimons. Pourquoi? Parce que ce sont des parents catholiques comme Normandie qui sont allés imposer ça en Angleterre. Nos Anglais, on se reconnaît. Et je dois admettre que les Anglais sont au point de vue catholique. Ils n'ont jamais changé même à la première protestantiste. La plus parfaite expression de la liberté dans la conception catholique. Ça, en même temps, ça. Et quand est-ce qu'on s'en machine, ma propriété, on a le code civil latin. On est des latins, des français. Des italiens. Des romains. Et c'est ce qui fait New York. On ne sait pas pourquoi. C'est caché là, derrière la balle ou la balle subconscient. Quand on entend un français de France, on a un mot qui fait ça. Quand on entend quelqu'un parler anglais, on se dit qu'on dit l'autre. Même si j'ai l'institut. Pourquoi? Comme anglais, il n'est pas comme nous autres dans notre conception de propriété. Comme français de France, il n'est pas comme nous autres dans notre conception de liberté. Vous n'entendrez jamais dire dans notre province, l'un des nôtres, moi je suis un français. Non. Moi je suis un Canadien. Ça veut tout dire. Quand quelqu'un dit « moi je suis un Canadien », ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est même pas déportable. Si vous voulez me sortir du pays, je ne vais pas en France, je peux dire « oui ». On irait peut-être à l'Ouest, Massachusetts. Je ne suis pas déportable. C'est ça le Canadien français. Il faut en comprendre l'âme, les origines, ses amours, son berceau, son folklore, ses vieilles chansons. Pensez-vous que c'est des Français de France qui peuvent nous faire la leçon? Les oiseaux qui viennent se brancher sur notre arbre, ils n'ont même pas une petite racine sous terre? Non. C'est pas un rapprochement. C'est des remarques que j'ai faites au parti que j'ai toujours servi l'Union nationale. C'est pour dire qu'il s'y inspire. Mais à court à vue, puis à dire, je ne sais pas si elle arrivera même à lui ou ailleurs. Tout même, nous ne nous occupons pas des choses provinciales. Nous sommes un parti fédéral. Je suis allé à peu près partout dans le pays. On a bien compris. On a bien assuré. Je n'ai jamais caché mes couleurs. J'ai toujours dit ce que je pensais. On m'a dit que j'avais un vrai message de l'Union nationale. Mais la juiverie a eu toute une frousse. Elle dit, s'il fallait que ces valeurs s'unissent avec les Anglais, qui se tiennent ensemble comme ça, nous autres, on peut toutes. Et c'est pour ça. Il n'y a pas de mot qui n'a pas été dit à mon sujet. Moi, je m'en fous. Je suis ininsultable. Plus rien, tu peux m'insulter. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été fait. Alors, la corporatisme, je dis rien. Qu'est-ce que c'est que cette patente-là? Vous savez, tout le monde cherche en ce moment. Vous pouvez participer. Ça ne marche pas. Ils nous promettent. Mère et moi, en disant que les taxes ne augmenteront pas, puis même les moins baissés. Ils nous promettent que si on tue ce mot-là, il n'y aura pas de ministère, des institutions publiques. Ils nous promettent tout, mais ils nous donnent le contraire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous ne nous promettons rien, nous ne pouvons rien promettre. Nous prenons des engagements solennels. C'est vous qui va être dit nos engagements, vous autres. Par le système du corporatisme. Tout le monde a peur d'en parler. On connaît les vieux de la vieille, vos conseils législatifs, les anciens ministres. Je ne sais pas pourquoi ce sera pas contre la corruption. Ah, ça a l'air fermant, mon temps. Je ne sais pas pourquoi. Moi, de partie, disparaîtrait. C'est évident. Nous-mêmes aussi. Nous-mêmes aussi. C'est la région sans parti politique. La culture, une évident. On dit, vous autres, vous avez le droit d'avoir 100 députés. Choisissez-la dans votre plan. Vous autres, les industriels, vous avez le droit à 110 députés. Choisissez-la dans votre plan. Vous autres, les prochains, vous avez le droit à 24 députés. Choisissez-la. Vos meilleurs hommes, vos plus éminents, vos plus intéressants, ceux à qui vous avez le plus de respect, le plus de confiance. Choisissez-la. Et ainsi de suite pour chaque classe, les collègues, etc. Ensuite, les habitants, ben, se choisissent sans vote. On dit, vous autres, les gens, là, choisissez votre meilleur qui sera ministre de l'Agriculture. Vous autres, les industriels, patrons et ouvriers, dans votre gang, choisissez celui qui sera patron de ministre de l'Industrie. Vous autres, les prêcheurs, dans votre gang, choisissez parmi vos députés celui qui sera votre ministre des pêcheries. Et ainsi de suite. Alors, et c'est ce que les chefs socialistes ne veulent pas. L'humanisme, le syndicalisme obligatoire. On ne veut pas que ce soit pour les choses d'en bas. Mais un médecin n'a pas le droit d'étudier, de pratiquer sa médecine s'il n'appartient pas à l'union de sa profession. Un ingénieur non plus, un notaire non plus, un dentiste non plus, un avocat non plus. Il est obligé d'appartenir à sa corporation. Non seulement pour pratiquer, même simplement pour être admis à l'étude. Et ensuite à la pratique. Si tu fais loi avec l'avocat, pas une institution. C'est une parole. C'est l'avocat, les autres qui se font la loi. C'est un médecin qui se font la loi. Qui dit, je commence à retirer une opération, un minimum d'opération d'appendicite. À part d'être tombé, tout ce que vous voudrez. C'est eux qui fixent ça. Le prix des visites. Les ingénieurs aussi fixent leurs affaires d'admission. Mais pourquoi pas l'ouvrier? Quand l'ouvrier n'a pas ça, qui ne peut pas se faire ses lois, il est toujours obligé d'aller trouver des avocats à l'initiative pour faire ses lois. Lui, il n'est pas capable de se faire. Parce qu'il n'a pas le corporatisme. Maintenant, vous direz, mais comment est-ce qu'ils vont les élire? Ils vont les comment est-ce que c'est qu'un partenaire est élu du Bordeaux? Un partenaire, chaque année, est élu. Comment est-ce que ça coûte d'argent au partenaire pour se faire élire? Partenaire de la province. Bonjour. C'est les avocats qui se garagent partout pour trouver leur meilleur homme. Comment est-ce que ça coûte pour être élu président de la corporation du Collège des médecins chirurgiens? Bonjour. Il n'y a pas de place électorale. Il n'y a plus besoin de temps là. Ça, tu me vois que tu dois diriger un contracteur, ben, ajoute 10% sur ton contrat, puis tu nous en mettras 10%. C'est fini, cette affaire-là. C'est fini. Bon. Ça, c'est trop des politiques, l'affaire. Et les agriculteurs, on leur permet de parler rien d'agriculture, apparemment. Les industriels, rien d'industrie. Ils ne parlent pas d'agriculture. Tu ne connais pas ça. Aujourd'hui, on entend des notaires, des médecins, des avocats. Ça nous parle d'agriculture, ça nous parle de pêcherie, ça nous parle. Mais qu'est-ce que tu connais, dans ça? C'est un millimètre au général. La corporation, c'est tellement naturel, suivant les lois de la nature. Comme ça existait avant il y a 200 ans, il y avait des parlements en Angleterre. Il y avait des cortèges en Espagne. Mais il n'y avait pas de pied rouge, conservateur de Pérou. Grit Santorez, non. C'était un type qui allait siéger la prochaine semaine. Moi, je représente les trapiers, le syndicat des trapiers. Moi, je représente la corporation du briquetier. Moi, je représente la corporation. Il dépendait de la corporation. Aujourd'hui, là, le communisme veut détruire ça. la lutte des classes, la guerre des classes, pour abolir toutes les classes et amener un prolétariat nivelé. Tout le monde au même niveau. Les autres ont dit non. L'affirmation des classes et la coopération des classes, on va les partir à faire s'il faut. Il faut que ça existe. Maintenant, supposons que vous avez tous les habitants du pays. Corporation d'agriculture, etc. On dit, mais tu n'as jamais mettre votre langue, là. On dépose bien la banque de la corporation agricole du Canada. Elle est déposée à votre banque. Après être homme, bien pour l'agriculteur. Vos dépôts, appellera les intérêts que vous déciderez sur vous d'abord. Maintenant, vous faut des assurances pour vous assurer contre la gelée, le gel, la grève, les inondations. Sondez-vous vos compagnies d'assurance. Et comme c'est à vous autres, vous allez vous charger des tarifs, des taux, vous voulez. Que c'est terrible au bout de 10 ans. Les services agricoles sont en tout dans la banque agricole, les assurances agricoles. Les services industriels, même chose, pêcherie. La première chose que vous savez, il n'y a pas rien qui va sortir de l'Europe. Il n'y a plus de puissance financière. La corporation est devenue sa propre puissance politique, économique, sociale, professionnelle et financière. Alors, la Banque de Montréal, le Royal, va dire à la banque, à la corporation de l'agriculture, de l'industrie, ou du transport, vous en avez un peu, vous recherchez avant, parce que vous n'avez pas besoin de titre. Vous ne pouvez rien qui en titre. Et aujourd'hui, vous avez le spectacle du peuple et de l'État. L'agresseur est une victime. Par exemple, on dit, vous avez payé tant d'impôts sur le revenu. Le petit ouvrier, le travail, le travail, il ne pourrait pas s'en sauver. Parce que le facteur du croissant salaire est un fouillé dans l'enveloppe avant lui. Il a sorti les taxes. L'État a dit, tu as travaillé pour moi, j'ai pris tant, je te laisse tant que tu fais vivre ta femme et tes enfants. Tu vas travailler une autre semaine, puis la semaine prochaine, je vais fouiller encore avant toi. C'est ça que ça veut dire. Si les d'autres revenus deviennent tous des menteurs, des tricheurs, des perjures, des faussaires. Voulez-vous me dire, vous qui avez l'homme de la mer, qui dit à 100% exactement tout ce qu'il doit en impôts sur le revenu. Ils essayent tous de se tricher les uns les autres. Ils font des faux rapports. C'est un noir communiste, qui saute sur votre capital. Parce qu'un salaire varié, c'est exactement comme une maison vendue pour de l'argent. L'ouvrier, c'est pas possible de dire que ce soit son salaire. Il doit donner une valeur. Un temps de sa vie à vivre, sans expérience, sans mobilité, sans capacité, en échange d'une somme d'argent. C'est un échange de valeur. On appelle ça le revenu. C'est beau. C'est avec des gens rendus. Ou un bottoming, ou une devanture rendue qui peut être alors on touche cet homme-là. Et lui essaie de tricher dans ses rapports. Et on est devenu tout un peuple de menteurs, de tricheurs. Mais c'est indigne. Si on s'étonne qu'il y a des résultats, puis qu'il y a des si, puis des ça, même pas de tricheurs, des menteurs. C'est une loi communiste de spoliation imposée à des électeurs anti-communistes qui essaient de s'en défendre. Et elle s'est trouvée dans tout le Canada. Un gars qui était à la conférence, qui dit, mon père, je m'accuse d'avoir triché un peu sur le revenu. Essayez d'en trouver un sur le revenu. Essayez de me trouver un juré qui entend tout ça. Pas de scrupule de conscience. Parce que c'est une loi matérialiste, anti-chrétienne, imposée à des chrétiens spiritualistes, qui essayent de s'en défendre. Ça, à cause des nécessités du gouvernement, etc., etc. Bon. Alors, le corporatisme nous propose, c'est l'élimination des partis politiques et leur remplacement au Parlement par des classes sociales, des députés. Par exemple, un député charpentier, qui avait été choisi par les charpentiers de sa province comme le charpentier le plus respectable, le plus connaissant, le plus éminent pour aller parler au nom des charpentiers et pas d'autre chose au Parlement. Et quand il arrivera quelque chose qui concerne le métier de charpentier, c'est lui qui sera consulté comme expert. Peut-être par les pêcheurs de Barbette, puis pas les cultivateurs de Blue-Ouest. Chaque chose a sa place. C'est ça le système corporatiste, et c'est le système prêché à la papauté. Et remarquez bien, moi j'ai lancé, je lance aujourd'hui, je n'étais pas supposé faire avant 3 mois, le mot parti corporatiste. Vous allez voir si les libéraux, les nationaux, les socialistes, les communistes, les bourgeois, les, enfin tout, si ça va durer, parce que c'est leur bien à eux tous, si nous arrivons. Et quand ce système-là sera installé, le Parti d'unité nationale du Canada que je dirige devra lui-même disparaître. C'est un système nouveau, pour des temps nouveaux, pour la vraie justice sociale. Les salaires seront fixés, il n'y aura pas de grève, par les patrons et les ouvriers enfermés ensemble, comme les cardinaux d'un cancer. Débattez-vous et sortez-nous avec une solution. Je vous dis, vous, si vous n'êtes pas capable, on vous primera pas par jour. Je vous dis, vous, vous n'aurez rien comme pas par jour. Je vous dis, vous, vous n'aurez rien comme temps de l'air par jour. Sortez avec une solution. Et il y aura un salaire stable suivant chaque métier. Si toute la vie augmente de 15%, la même semaine, le salaire aura augmenté de 15%. Si toute la vie baisse de 6% la semaine suivante, le salaire aurait baissé de 6%. Mais l'ouvrier aura toujours, en tout temps, la même somme de pain et de beurre sur sa table pour l'heure de travail qu'il aura produit. Et s'il veut économiser, il est braqué. On gueule contre le capitalisme. Quelle est l'origine du capital? Je ne parle pas du capital international, des banques d'or, je parle du capital bourgeois. Et remarquez que nos journalistes, nos éditorialistes, nos commentateurs de radio, nos commentateurs de télévision, sont des petits employés. Ça lève le nez sur les bourgeois, l'esprit bourgeois. Ils sont envoyés par des bourgeois, payés par des bourgeois, leurs commanditaires sont des bourgeois, puis ils gagnent comme ça. Mais on ne le voit pas, ils ne pas. Ils se répètent tous les uns les autres. Si dans une cage, il y a un perroquet qui grille pas le loin de caracol, tous les perroquets de toutes les autres cages, je répète pas le loin de caracol, pas le loin de caracol. Il n'y a pas le loin de pourquoi. Mais tu sais, je ne sais pas. Et les journaux, comme vous disiez, et excusez les comment, je vais vous donner une glance. Je vais vous donner une glance. Je suis élu, moi. Le 4 juillet, je ne sais pas ce que vous écoutez tout à l'heure, à Kingston, le Globe and Mail, Telegram, sur votre stage, vient de me trouver une entrevue. Je mets 4 feuilles avec des cartons sur mon tête. Il pose la question, je l'écris. Si je répète ta question, c'est bien ça que tu m'as demandé? Oui. J'écris ma réponse. Je leur envoie chacun 4 pages et demie de la question et réponse que je me garde des autres. Le soir, 23 jours, ça se montrait du paraissait. Le lendemain matin, un jour, je viens me trouver du Daily Clarion, du petit communiste. Oh, je dis écoute, d'abord, tu es joué pour transmettre tes communistes, tu te transportes. Je connais la gamique. Et tu vas te trouver du encore des jours en mettre dans le monde. Ouais, mais j'ai pas la chance. Le lendemain, mon entrevue paraît pour 1 page et demie. Les déclarations de Brian Kahn. Le communisme a été fondé par les Juifs, financé par les Juifs, répandu par les Juifs. Les chefs communistes dans le pays sont des Juifs, petits peut-être. Le lendemain, il m'appelait à Montréal. Il dit, monsieur le sacre, alors tu me job à me trouver à Montréal. Non, mais c'est. Ce sont des vérités, ça. Ce sont des vérités, ça. Des choses vécues. Quand vous voyez un grand, grand, grand homme, poussez-vous, méfiez-vous. C'est pas mal pour lui. Quand vous en voyez un qui est bien tapé sur la tête, vous vous dites, tiens, ça sert à du bon monde. Then you have the Schweizer. You know what I'm talking about? The Schweizer. Ça, c'est Dieu Saint-Paul. C'est en Afrique. Hein? Puis, ils sont des nègres. Toutes les revues du monde en parlent. On fait des films avec lui. Tout le monde y a de l'argent. Il a écrit un livre de là. La psychanalyse de Jésus-Christ. C'est la psychanalyse, l'affaire de Sigmund Freud, de Jouet. Ça, c'est pas psychologique, c'est pas psychiatrie. Bon. Dans son livre, il dit ceci. Jésus-Christ, à force d'exagérer en pureté et en chasteté, a créé en lui-même des refoulements, des inhibitions, qui l'ont rendu schizophrénique. Et comme tous les schizophréniques, un jour dans sa vie, il a rencontré un homme choc. C'était Saint-Jean-Baptiste. Un autre, trop chaste comme lui. Puis là, à force de se parler, Jésus-Christ, ben, il est devenu pris de la mégalomanie, de la folie de grandeur. Il s'est fait les yeux. Puis il était évertué, pensant qu'il achèterait le monde. Ça, c'est un des grands de grands. C'est une des grandes lumières d'humanité. C'est écrit ça. Et la branche prince, on ne parle pas de ça. Hein. Quand il sera mort, ils vont dire, oh, voici ce que le Saint des Saints a écrit. Là, ils vont le dire. Comme le grand médecin, on vous a dit, Jésus-Christ n'est pas mort, il était rien dans le tremble. C'est maquillé sur son linceul, il a des taches, là. Mais si Jésus-Christ est mort, il s'est jamais ressuscité. Alors, c'est un imposteur, puis que le service fait une imposture. Puis c'est ça que Radio-Canada nous a servi. Il a toujours pu rentrer d'ici. À ébranler l'ébranlant. Eh bien, moi, j'annonce aujourd'hui, à Québec, c'est mon plaisir. D'abord, ma femme vient ici. Je suis venu bien souvent ici les étés. À l'arrête, dans le temps de la Solarine, qui est l'homme de ma femme. J'annonce qu'aussitôt que nous prendrons le pouvoir, nous allons faire à la radio, surtout à CBC Radio-Canada, le plus beau nettoyage de cochonnerie qui s'est jamais vu dans l'histoire du Canada. Les formations humanitaires, les Algériens juifs qui poulent là, on se croit plus en Canada, on n'entend pas rien qu'à Parisienne ou à l'Algérienne. On se demande où se passe un Canadien français. Puis ils nous parlent dans un langage, oh, on est des gâchons, des arriérés, des préinstruits. Sans ces gens-là, notre langue sera en danger. Et c'est curieux, moi je lis le tout monde en française toutes les semaines. J'ai découvert que c'est en France que la langue française est en danger. Ici, on dit, il lance ses comptes. En France, lisez les journaux, il shoot his call. Ici, on dit, un matchmaker. Ici, on dit, un promoteur. Là-bas, on dit un matchmaker. Un matchmaker. Ici, on dit l'aspirant. Là-bas, on dit le challenger. Ici, on dit un ascenseur. Là-bas, ils disent un lift. Et le liftier. Ici, on dit une effeuilleuse. Là-bas, ils disent la stripteaseuse. Ici, on dit un congélateur dans mon réfrigérateur. Là-bas, ils disent le freezer du réfrigérateur. C'est écrit en anglais. Au moins, on traduit. Alors, je crois que notre pauvre langue française, c'est Paris qu'il faut surveiller. Que c'est pas les gens d'Algérie, les francs-maçons du Grand Orient qui vont venir nous dégrossir. Et comme ils nous disent, Captain McMahon dit, vous décrottez. Ça, j'étais avec un Rita de Sondage, c'était en 1924. Alors, je m'avais sujet du village. Il n'y avait que pas au monde à ce moment-là. Alors, j'étais à la presse, Henri de Sondage était à la patrie. On se fait les portes du club des journalistes. Six des plus grands journalistes de France arrivent à la gare Windsor. Imaginez-vous, aussi, on avait hâte d'arriver là pour voir des lumières, des supernovas, des astres du journalisme français. On était une des petits gnochons de Montréal comme lui. Alors, les 6 titres de chambre, en février, il y avait à peu près 25 ans, on va dire. Le premier qui avait un vouloir, une boîte de claque, une boîte de claque, qui était une terre. En descendant, on se présente. Quand on appelle, c'est le temps de la vie. Il y en a un qui dit, « Monsieur, où sont les deux fous ?»« Quoi ?»« Les deux fous !»« Je vous comprends pas, monsieur. » Il dit, « Les grandes affaires pour marcher dans la neige, mettre mes pieds. »« Ah, oh, j'ai dit les snowshoes, les raquettes, que vous voulez dire. »« Oui, oui, les snowshoes, les snowshoes. » Le président de Limousine qui ne vous attend pas. Le Limousine taxi. « Comment, mais vous avez des limousines à Montréal ?» Je disais, « Bon. » Et j'ai appris après, au bout de deux jours, chacun restait dans un appartement en France. Mais il n'y en a pas un qui avait un cabinet de toilette, une douche, ou un bain, ou l'eau courante dans son appartement. Dans des conciergeries de six étages, il y avait un robinet, un cabinet de toilette, une douche. Alors si tout le monde s'était purgé ensemble, le monde des six étages est ouvert la tête. Et c'est les gens qui étaient venus nous dégrossir. N'oubliez pas d'instruire hein, qui nous ont ça pour ici. Moi, je m'en veux qu'il y ait la restriction, c'est là. Après ça, son pied. Son pied. Pour vous, mes amis, pour vous. Je ne prends qu'un cul, pas un coup de plus, moi. Je vais à messe tous les matins. Je suis comme émis pour les ministres qui m'ont besoin. Pour le chef de police, pour ma province. Moi, j'avais été là, j'avais dit, mon Dieu, quand est-ce que tu vas prier pour toi? Enfin. Les principales choses pour le coup de la vie. La division géographique nouvelle de province. Et combattre la centralisation qui s'en vient plus fort que jamais. Parce que là, on vous prépare là, la guerre à la pauvreté. Il y a du ça. Il va y avoir une conférence fédérale provinciale de la guerre à la pauvreté. Ottawa, comme la Great Society des États-Unis, on va tuer la pauvreté au Canada. De toutes les façons, c'est une situation merveilleuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ils veulent rentrer dans tous les domaines des activités, même les domaines provinciaux. Et comme chaque commission scolaire, qui trouve qu'il n'a jamais assez de Québec, va vouloir, hey, on pourrait en avoir 5 000 de plus, alors ils vont tout accepter. Et pour de l'argent, ils vont sacrifier pour tout la pénesse. Ils vont se mettre dans le cou, un licou en or. Mais ce sera un coup quand même. Nous, nous voulons empêcher ça. Et seul le corporatisme, comme je vous l'ai dit, pour rendre justice. Maintenant, on parle de la révision de la Constitution. Pauvre Constitution qui se fait maganer de ce temps-là. Tout le monde travaille dessus, comme je l'ai dit déjà. Les constitutionnalistes du provincial, du fédéral, de toutes les provinces. Ils travaillent une corps. Ça, c'est une loi anglaise, hein, qui a été passée au Parlement de Westminster, qui est toujours à Londres, qui a été appliquée ici. Ça fait rien. Nos chirurgies constitutionnelles ont mis leurs grands bras, leurs grands caoutchoucs, ils ont leur masque dans le visage, leur bistouri à la main, puis ils donnent tous des coups. Mais l'opéré n'est pas la tête d'opération. Il est toujours à Londres. C'est le spectacle que nous avons en ce moment. Le spectacle idiot. Où tout le monde donne des coups de couteau dans un corps et du joueur, il frappe dans le si nous avions une constitution approuvée à 1000% par les Anglais et 100 000% par Québec, on ne serait pas plus avancé. Parce que la Cour suprême en laisse tomber. C'est la Cour suprême qui a consacré l'invasion du fédéral dans nos droits provinciaux. Aux États-Unis, ce sont nos juges de la Cour suprême qui font des lois nouvelles comme des législateurs par une interprétation à l'envers de la Constitution américaine. Cette Cour a déjà rendu 5 jugements en faveur de l'enseignement chrétien dans les écoles publiques. En 1956, elle a rendu un jugement défendant l'institution chrétienne dans les écoles publiques. La même chose. Alors, quelle que soit la Constitution que nous ayons, le tribunal de dernier ressort, et personne n'en parle, sera toujours celui qui en fasse qui voudra. Et nous, dans un des articles de notre programme, nous voulons une Cour suprême à l'image du Canada, dont les juges ne seront pas nommés rien que par Ottawa, dont la moitié des juges seront nommés par la province, l'autre moitié par Ottawa, et chaque banc. C'est un banc qui est juge, il y en aura deux d'un bord, deux de l'autre, et ils choisiront un cinquième neutre. Ce ne sera nommé ni par Ottawa, ni par les provinces, mais par l'ensemble des barreaux. là on aura au moins un minimum de garantie d'impartialité et d'objectivité. C'est un peu ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je vous remercie infiniment de votre bonne attention. Je remercie nos membres du parti de la région de Québec, qui sont venus ici. Je les remercie de leurs efforts depuis quelques temps d'avoir sacrifié une aussi belle après-midi. Vous avez pu s'amuser le plus beau dimanche du printemps pour venir entendre. Et c'est ce que certains journaux appellent niaiseux. Il faut dire comment c'est toujours, mais en fait, absolument rien n'existe. Mais des idées sérieuses, des idées solides, dont aucun autre parti ne peut vous parler, parce qu'ils sont attachés. À la Convention de l'Union nationale, il y a une chose qui m'a fait la peine, et qui aurait peut-être fait mourir Duplessis de peine s'il était mort, on a décrété que l'Union nationale n'était plus un parti chrétien. À la Convention de Montréal, le communisme. Ça a passé par quelques voix de majorité. Eh bien, moi, nous ne sommes pas un parti provincial, nous sommes un parti fédéral. Et nous exigeons que pour être membre de notre parti, il faut être chrétien, il faut être occidental, il faut être loyal à la couronne et au pays. Nous ne courons pas les quatre pôles, toutes les directions du monde. Nous n'avons qu'une aiguille dans notre boussole. Elle est sur le pôle nord et c'est rien que là que nous regardons. Et que tout le reste va contre nous autres, on s'en fout. C'est là qu'on veut aller. Mais nous sommes convaincus qu'à la fin, la voie du bon sens, la voie du christianisme, je prononce le mot chrétien, abondé en politique, parce que le communisme s'occupe de religion pour la détruire, pour fermer les églises, pour tuer les prêtres, pour mettre les évêques et les cardinaux en prison, pour enlever l'enseignement religieux, faire disparaître la croix chrétienne. Et nous, pendant que ces partis politiques-là font ça, nous ne nous occuperions pas de la religion pour la défendre, nous serions les derniers des loges. Que tous les autres partis ne s'en mêlent pas de religion, nous allons nous en mêler. C'est à nous, c'est notre héritage, c'est notre tradition, ce sont nos convictions, et contre les athées, les antichrétiens, nous allons nous battre, et surtout, nous allons les vaincre. Merci. Bon, les corporations elles-mêmes, comme je vous ai dit au début, il y a trop de gouvernements dans le monde des affaires et pas assez de chances des affaires dans le gouvernement. L'automatisation, je dis, le chômage, c'est pas le gouvernement qui l'a créé. C'est le monde des affaires. Qu'une manufacture ferme, qu'elle se déplace, qu'elle ait moins de commandes, moins de ventes à l'étranger, ça dépend pas du gouvernement, ça. Mais le prochain gouvernement sera formé justement par les classes corporatives. Et ça sera à l'industrie, ouvriers, employeurs, avoir à ce qu'il ne manque jamais de travail pour la main-d'œuvre. Ce sera eux autres à régler ça. Avoir à absorber les jeunes qui sortent des écoles. Hitler a appliqué ce système-là. Le mot nazi, Hitler, ça c'est l'enfer, c'est Satan. C'est l'antéchrist, c'est ce plus horrible, de plus odieux, patati patata. Pourquoi? Pour que vous n'ayez pas lire les discours qu'il a fait, que vous n'étudiez pas ce qu'il a produit. En 3 ans, Hitler a éliminé 6,5 millions de chômeurs, puis a été obligé d'importer 2 millions d'étrangers, alors qu'ils étaient boycottés par le monde entier. Pendant ce temps-là, les États-Unis avaient toujours leurs 12 qui n'ont pas été capables de s'en débarrasser avant la guerre de 1941. Quand ce sont les ouvriers eux-mêmes et leurs patrons qui ont à résoudre le problème plutôt que les politiciens, qui sont là rien que pour s'enrichir en général, ils veulent en faire une carrière, soit par le patronage, soit par des faveurs, soit par l'espérance d'une nomination de juge ou de sénateur ou autre. Quand c'est l'ouvrier lui-même, Ils vont l'arranger, leur problème. Il y a ce problème économique. Est-ce que vous acceptez de prêter qu'à un moment donné, la machine va remplacer l'homme dans une forte proportion? Écoutez un peu. Je m'en vais vous poser un exemple que j'ai connu. Moi, j'avais des oncles qui fabriquaient des charrettes, j'avais des oncles forgerons. Le tout arrive. Comment ça se répand? Des taxis. Ils ont dit, on est tout mort, ils vont détruire une grande industrie. L'industrie des landaux, des boguets, des barreaux, des attelages, des harnais, des forgerons. Bon, l'élevage des chevaux. Ça a été remplacé là où un homme a manqué. Avec le cheval, il y en a 75 qui l'ont remplacé. Des stations de gasoline, des vendeurs d'auto, des vendeurs de pneus, des garages, des réparations, des navires citernes pour transporter la gasoline, des milliers d'ouvriers qui travaillent pour la transformer, d'autres pour les fournaises, etc., etc. Cette industrie-là a donné de l'ouvrage à 75 hommes quand l'ancienne ne donnait qu'à un homme. L'automation, ça va être la même chose. Les machines d'automation, il va falloir que quelqu'un les fabrique, que quelqu'un les entretienne, que quelqu'un y voit, que quelqu'un les répare. Ça va peut-être prendre 50 hommes, là où il n'y en a rien qu'un qui travaille. C'est la même chose. Les avions, là, ça commence à remplacer les bateaux, les gros bateaux transatlantiques. Mais savez-vous comment est-ce qu'il y a de monde qui travaille dans les avions? 10 fois plus que ceux qui travaillaient dans les anciens transatlantiques pour aller en Europe. Parce que vous avez des aérodromes dans toutes les villes du monde. En Canada, comment vous aviez de port de mer pour les transatlantiques? 8. Vous avez 42 aérodromes transatlantiques aujourd'hui en Canada. Puis les techniciens des aérodromes, puis les pilotes, les aviateurs, les navigateurs, les hôtesses de l'air, mais ça finit pas. 10 contre 1. Le progrès donne toujours de l'ouvrage à l'augmentation de la population. Il faut le principe qu'un jour ou l'autre, en principe, ça passe d'abord que l'automation va venir dans une certaine proportion à remplacer de la main d'œuvre. Non. Non, parce que ça prend de la main d'œuvre pour faire marcher l'automation. Pour la créer, la réparer, la faire marcher. Oui. Donc, dans la chaussure, par exemple, pour frotter l'hydrate, un homme suffit pour travailler pour frotter l'hydrate. Oui. Dans toutes la forme d'industrie à ce moment-là, il y a des gens qui disent que l'automation un jour viendra à prendre, que il y aura trop de monde, ça va prendre un peu de monde pour produire. Alors, prenons la chaussure. Prenons la chaussure. Moi, j'en connais deux grands experts ici qui sont allés étudier ce qui est le plus avancé au monde. Ils vendent des chaussures à 80$, 100$ la paire. Ce n'est même plus fait dans les manufactures. Le type se met nu-pied debout, puis on prend le moulage de son pied. Il faut faire cette chaussure-là à la main. Puis c'est la seule qui donne plus de mal aux pieds, qui guérit les varices, qui n'a plus de corps, il n'y a plus de daillons, etc. C'est ça qui s'en vient. Bien, je ne sais pas, en tout cas, moi, je ne suis pas un expert, mais je sais que ça s'en vient, ça se passe. Il y en a un ici, je ne sais pas où il est. C'est un expert. Il avait commencé à vendre la chaussure ordinaire, la meilleure, la DAC, la Slater. C'est avec celle-là qu'il fait le plus d'argent aujourd'hui. Ça, vous ne pouvez pas empêcher le progrès. C'est pas possible. Et chaque progrès apporte des emplois nouveaux pour des milliers et des milliers et des milliers. Maintenant, pourquoi est-ce que notre jeunesse doit-elle se perfectionner? On s'en vient au système métrique. On s'en vient au mesurage, au millième de millimètre. Alors, il faut beaucoup de mathématiques, il faut beaucoup de dextérité de calcul. La chimie d'il y a 20 ans, ce n'est plus la même chose. Il va falloir une chimie avancée pour qu'il arrive au fort avec ce qui se passe aujourd'hui. L'électronique, c'est la même chose. La vieille radio d'autrefois, vous vous en souvenez, petite affaire de cristal avec les oreilles qui nous pinçaient, là, des soirées de temps. C'est fini, cette histoire-là. Ça avance. Puis plus les machines avancent, plus ça prend de personnel pour les fabriquer, les entretenir et les réparer. Moi, c'est le même que je vois ça. Et c'est ce que les 50 dernières années du développement de la science nous ont trouvé. Moi, ce qui est examiné, qu'il y a qui peut être pas entre là 50 ans et aujourd'hui, dans quelle proportion il y a un travailleur qui travaille en proportion de la main-d'œuvre, voici, par exemple, À un moment donné, on cesse d'acheter de l'uranium. On ferme des mines d'uranium. Les Américains ont mieux acheté de leurs mines à eux. Bon. Et toutes les mines d'uranium du Canada et des États-Unis, 100%, je ne vous dis pas 99, 100% des mines d'uranium, c'est contrôlé par Rothschild de Londres, ça. La banque juive, Rothschild. Ils ont 100% du contrôle de toutes les mines d'uranium en Amérique et celles du Congo belge. Ils ont vu, eux autres. Ils vont être plus vite et plus clair que nous autres, les Juifs. Bon, ben, à un moment donné, vous avez 5000 mineurs qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que ce consortium-là dit on achète notre uranium là-bas, qu'on ferme les mines là-bas, temporairement. Pendant la guerre, il fallait du pétrole transportable à bon marché pour le port de Juneau, Alaska, la marine américaine qui est en guerre contre le Japon. L'Imperial Oil a ouvert dans les cercles arctiques du Canada, à même les fonds du pays, une pipeline là, qui allait porter le pétrole. Aussitôt la guerre finie, on ferme tout. Ça, c'est une réserve pour plus tard. Alors, il y a des chômeurs qui ont été créés à cause de ça. C'est pas à cause du gouvernement, c'est pas à cause de l'automation. C'est parce que les Américains disent que ça nous coûtera moins cher maintenant d'avoir notre pétrole de cet endroit-là. Mais si vous aviez la corporation, là, ce ne sont plus les unions américaines, les intérêts américains qui vont mener. Même Steinberg va être obligé d'être dans la corporation du commerce. Puis ça ne sera pas le gros gars. Il va être battu par le Nord, puis il va être obligé de faire ce que la corporation des épiciers décidera. Et aujourd'hui, ce sont les politiciens qui, recevant de l'argent de Steinberg, font ce que lui veulent, au détriment des petits épiciers. Question d'organisation. Vous détruisez l'influence internationaliste au pays. Et vous forcez la destruction du chômage. Le full employment, le plein emploi, ne peut être réalisé que par le corporatisme. C'est pas possible autrement. La démocratie et le socialisme ont prouvé le contraire. Oui, monsieur. Vous parlez de la corporation. Et vous voyez tout fou d'avant l'air. Vous voyez que aucun n'a pas de formule. Pardon? Aucun? L'aucun. C'est-à-dire, ça va faire mal à l'autre. Oui. Maintenant, t'es dans l'épisode encore. Et sans les arguments, il y a raison pour envoyer le point comme. Ah, ben ça, c'est leur affaire. Nous, nous disons ce que nous avons à dire, que le peuple juge. Eux, ce qu'ils ont à dire, ben qu'ils le disent. Prenez, par exemple, prenons la corporation des producteurs de lait. Hein, les habitants. Bon. Eux autres reçoivent 3 piastres du 100 livres, les habitants. Nous autres, on paye 12 piastres le 100 livres, à la bouteille à nos portes. Il y a 9 piastres de différence entre le producteur et le consommateur, qui est pris là, par quelqu'un qui n'est ni consommateur ni producteur. Tout d'un coup, c'est l'habitant qui viendra me vendre ça 12 piastres lui-même. Tout d'un coup, la Corporation agricole des producteurs de lait dirait, « Moi, je m'en vais pasteuriser, homogénéiser mon lait. C'est moi qui vais le vendre au laitier. » C'est moi qui vais faire le lait en poudre. C'est moi qui vais faire les fromages. C'est moi qui vais faire le beurre. J'irai le vendre aux épiciers. Le cultivateur fera de l'argent non seulement avec son lait, mais il le fera comme vendeur de lait en poudre, comme vendeur de lait pasteurisé. Le 9 piastres, là, entre les 12 et le 3, pourquoi ce ne sera pas le cultivateur qui l'aurait, ça? Il aurait des machines, lui. Financées par le gouvernement. Et oui, écoutez, pourquoi pas? La corporation des cultivateurs, écoutez, là, est capable de s'engager des avocats pour se guider, des experts vendeurs, des experts. Il y a trop de différence. Ce qu'on a aujourd'hui, on arrête bien plus de ce qu'il y a plus. Le cultivateur ne reçoit rien, et moi, dans la ville, je me fais écorcher. Mais il y a un gars entre nous deux qui pogne tout, puis qui est bien riche. Mais c'est ça que la corporation élimine. Oui, mais c'est ça que la corporation élimine. C'est ça que la corporation va éliminer. Madame, si par exemple, tous les habitants qui ont des œufs, ça rentre dans une catégorie spéciale. On dit, occupez-vous pas si vous les achetez. Envoyez ça aux centrales, telle place, là. Les camions passent tous les jours. Bon, ils prennent vos œufs. Ils les cataloguent. Là, ils disent, madame une telle, nous a envoyé ça à douzaine d'œufs de telle qualité. Ils vous envoient leur chèque. Maintenant, Ça va dans la manufacture qui vous appartient, vous, par exemple, de la corporation, pour faire des œufs en poudre, pour faire des œufs ci, des œufs ça, de la mayonnaise. Vous allez recevoir un chèque à part de ça. Vous allez recevoir un chèque de profit. Qu'un ouvrier expert travaille pour Gigi Joubert, Montréal Dairy ou la corporation agricole, ça, il fait rien, lui. Il a le même salaire. Mais qui c'est qui va avoir le profit que ces gars-là ont, là, les parasites entre les deux? C'est le producteur qui va avoir les profits, en plus d'avoir sa matière première. Chez nous, on a les producteurs de tabac et cigarettes. Mais pourquoi que c'est qu'ils fabriqueraient pas les cigarettes avec? Ça aurait le profit de l'Imperial, puis de la McDonald's, puis de tous les autres, mais pourquoi pas? C'est ça, la corporation. Maintenant, on n'ose pas trop en parler. C'est pour ça qu'ils sont tout contre, les autres. Ils vont tout mettre des fonds pour faire battre ça, cette affaire-là. Mais si le jour, le gars d'en bas, là, celui qui traîne puis qui est su de son front toute la journée, veut bien ne jamais se vendre, ni à la propagande, ni à l'argent qui arrive à 2 h du matin par la porte en arrière pour aller voter. S'il se dit, je vais voter pour mon intérêt, tout serait réglé, mais on sait que tout se fait par l'argent. Et quand est-ce que ça arrivera? Peut-être quand ça fera trop mal. Quand ça fera trop mal. Tant que ça va bien, que c'est une partie de plaisir, allons-y les gars tout le temps, c'est dur à faire réfléchir. Et les forces d'argent le savent, puis ils mettent d'argent pour ça. Oh, Did you think that I would work for the role that I play in your theater?